dit restons-en là. Même si je me sens bien chez toi, dans mon rêve c'est pas toi. Alors restons-en là. Elle m'a dit restons-en là. Ton nom sur mon agenda. Trois petits tours et puis s'en va. Restons-en là. Restons-en là. Elle m'a dit restons-en là. J'étais pas faite pour toi. Un jour tu comprendras, tu me remercieras. Elle m'a dit restons-en là. Mais je ne regrette pas. Personne m'a aimé comme toi. Mais restons-en là. Restons-en là. Elle m'a dit restons-en là. Que ça te plaise ou pas. T'as eu du bol, dis-toi. T'as payé une fille comme moi. Elle m'a dit restons-en là, faire mieux tu pourras pas, et tu m'ennuies déjà. Alors restons-en là, restons-en là. Elle m'a dit restons-en là, d'ailleurs toute la semaine déjà, j'étais dans d'autres draps. Alors restons-en là, elle m'a balancé ça. Indirect au foie, elle m'a dit c'est comme ça. Restons-en là. Restons-en là. Restons-en là. Restons-en là. Restons-en là. Restons-en là. Restons-en là.